Pensé, le pensé, obrí no spirit, poua a l'avenir, poua a l'avenir, ma surtout wa danset. Obrí no spirit, poua ce que possible, poua l'invisible, poua ce que no voloua. Pensé, la paix en pensant, pensé tous les jours et les repos. Ouvrir nos esprits, le possible et l'impossible. Ouvrir nos esprits, chaque jour, chaque rêve, chaque matin. Ouvrir nos esprits sur la trottoir, en peine ou à plat, avec des croix ou des croisés, sans fil et concis. Penser, avec penser notre esprit. Ou avait pensé que l'eau y est l'exercer. Ouvrir nos esprits pour voir à l'avenir, pour voir la dernière, mais surtout voir dans cette. Ouvrir nos esprits pour voir ce qui est possible, pour voir l'invisible, pour voir ce que nous voulons voir. Penser, la piste en pensant, penser tous les jours et les repos. Pensez tous les jours et les repos. Les cavaliers. Mexique.